Tu dis que mon soldat, mais t'es un aventurier. T'aimes les terrains minés, ta bouche c'est un canon scié. T'as bien visé ta proie, maintenant tu t'en mords les doigts. Tu peux me faire les yeux doux, mais ça marchera pas avec moi. J't'ai grillé, ouais, grillé. Tu peux t'expliquer, piquer, mais j'serai sans pitié, pitié. J'ai vu tes DM, tous tes snaps. Rouge à lèvres sur tes sables. Tu fais le maître en prendre, tu parles, mais en fait ta bouche est simple. C'est ta tactique, à chaque épreuve t'as des nouvelles pratiques. J'm'applique, j'm'implique avec toi, c'est un casse-pipe. J'vais à 100 000 à l'heure, des groupes ils me draguent. À pas dormir, ma AP donne pas l'heure. T'as rien grillé, grillé. T'es juste piqué, piqué. T'as cru que j'allais flipper, flipper. Tu peux me chipper, chipper. C'était un 1-2, mais là j'vais faire le libéro. 1 pour mon petit ego, 2 pour les dineros. Ne parle plus de nous deux. C'est toi qui ne dois plus parler de nous deux. C'est impossible entre nous deux. Bien sûr que c'est impossible entre nous deux. Comment j'ai pu croire en nous deux? C'est moi le fou qui ai cru en nous deux. Tu peux oublier nous deux. Oui, c'est toi qui dois oublier nous deux. Fais la leubé, tu m'as pris pour un teutré ou pour un teubé. J'ai pas le tavan avant, écoute tous tes javan avant. Je te laisse dans ton javan aveu, je suis hors game dorénavant. Moi c'est le carré d'or, je te laisse les boucles de Paris Nord ou ceux de Château d'Eau, même ceux de Gare du Nord. Je vais pas dire amen à tout ce que dit Amel. Ah, je voulais dire rimen. Vas-y, rentre chez toi, t'es né avant la honte. Tu vois tellement de meufs que les prénoms se confondent. Une chose est claire, tu m'as dû perdre. Ce que tu viens de faire, ça s'appelle l'adultère. T'es là, tu minimise, assume un peu. T'inquiète, je te file ici, t'as fini le jeu. Fin de carrière, t'as clôturé le bal. Ovation, je te fais la hola. Ne parle plus de nous deux. C'est toi qui ne dois plus parler de nous deux.